J'ai le blues, blues, blues du voyageur fatigué. J'ai le blues, blues, blues, je voudrais bien rentrer. J'ai le blues, blues, blues, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai le blues, faut s'arrêter. Gare routière, attendre toute la journée. Ricoler sans sauce à ingurgiter. Eau courante, imbuvable, à filtrer la chaleur. Fait suffoquer. À force de marcher, les ampoules font mal aux pieds. Aux frontières, faut patienter. Tac, tic, tac. Décalage horaire.